快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 踏着音乐的脚步，轻舞飞扬，乘着歌声的翅膀，遨游音乐的海洋。有线古典音乐广播98.6兆赫，每天10点、22点播出。歌舞剧场，爱与心灵的天堂。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。 今天首先带来的是国王歌手合唱团演唱的不同时期的古典音乐名作，既有宗教音乐，也有浪漫的小夜曲。下面请连续欣赏。 Thank you. Whither I go, Thank you.

si torni da sognava lo che il cuore tondelava che l'amor mi consola

Thank you.

Thank you.

transiterios ire vehementi in amaritudine loquor miementi factus trimateria sinus elementi simili su folio piccolo duventi consideri proprio pir sapienti supra pietra ponere sine fondamenti stoldo seghe comparar fluvio laventi superiore tramite molto permanenti Thank you.

Thank you.

virginali tutto sardio novus novus novus amores patria patria patria 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景。